إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. On continue aujourd'hui l'étude du livre « Les causes permettant de patienter face au mal des gens » de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous étions restés à sa parole suivante, la neuvième: si quelqu'un subit un préjudice pour avoir agi pour Allah ou pour avoir obéi à ses commandements et évité ce qu'il a interdit, il est obligé de patienter et ne peut se venger, car le tort qu'il a subi, il a été pour Allah. Sa récompense se trouve donc auprès d'Allah. C'est pour cette raison que les vies et les biens de ceux qui combattent dans le sentier d'Allah sont offerts à Allah sans garantie de retour, car Allah rachète leurs personnes et leurs biens. La récompense revient donc à Allah et non aux hommes. Ce qui cherche à obtenir une récompense des hommes n'obtiendra pas celle d'Allah. En effet, celui qui perd quelque chose pour Allah sera remboursé par Allah. Si une calamité le touche, il se blâmera lui-même, ce qui l'occupera et l'empêchera de blâmer celui qui lui a causé du tort. Pour celui qui subit un mal en raison d'un lot qu'il cherche à obtenir, il doit se décider à patienter, car la patience est moins amère que la recherche de ce lot. Celui qui ne peut supporter la chaleur, la pluie, la neige, les difficultés des voyages ou les brigands sur la route doit patienter. Sinon, il n'a aucun besoin des marchandises qu'il convoite. Et cela est bien connu. Celui qui est sincère dans sa quête d'une chose se voit accorder la patience proportionnelle à sa sincérité. Celui qui convoite quelque chose doit patienter pour l'obtenir. Et la chose la plus convoitée est la religion. La chose la plus précieuse que les gens peuvent obtenir de toi est la science. C'est pour cette raison qu'Abd al-Rahman ibn Mahdi rahmahullah a dit: l'homme a plus besoin de science que de nourriture et de boisson. Comme le rapporte Abu Nu'aym dans son livre Al-Hilya. Ainsi, clarifier la vérité aux gens et les mettre en garde contre le faux est meilleur que tous les trésors du monde. L'imam Ibn Abd al-Barr rapporte dans son livre intitulé Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi, d'après Sofiane al-Thawri rahmahullah, qui a dit: je ne connais pas d'adoration meilleure que d'enseigner aux gens. Donc faire preuve de bienfaisance envers les gens en leur enseignant la science est bien meilleur que de leur faire du bien matériel. De ce fait, ne t'attends pas à ce que les gens te rétribuent, car tu es en train de commercer avec Allah Azza wa Jal. Et la récompense qui t'attend n'est pas comparable à celle que les gens peuvent te donner. Le commerce avec Allah est en effet le plus grand des commerces. Cependant, si les gens te font du bien, sache que cela provient d'Allah Azza wa Jal. Si tu suis la voie des prophètes, des messagers et des réformateurs de toute époque, sois patient. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mentionne que cette forme de patience est obligatoire. Il est obligatoire de patienter dans l'enseignement face au tort que l'on te causera ou aux difficultés que tu rencontreras. En vérité, cela est un bienfait, car Allah Azza wa Jal augmentera ta récompense. Celui qui enseigne aux gens et patiente face à leur mal sera récompensé pour leur avoir enseigné et pour avoir patienté face à leur mal. Dans cette situation, tu peux également être éprouvé. Tu devras alors patienter. Tout comme tu devras patienter en voyant certaines personnes préférer la vie mondaine, se concurrencer pour celle-ci et rechercher à tout prix la suprématie sur les autres. C'est la position des gens de science qui mettent en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme science. Ils ne sont pas trompés par cette vie éphémère. Ils commercent avec Allah et savent que c'est le meilleur des commerces. Contrairement aux ignorants qui sont trompés par cette vie et se concurrencent pour celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré cette différence dans l'histoire de Qaroun. Qaroun était un homme du peuple de Moussa alayhi salam qui possédait une immense richesse. Allah dit à son sujet: Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabara alayhim wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah. Qaroun appartenait au peuple de Moussa, mais il transgressa à leur endroit. Nous lui avons accordé des trésors dont les seules clés représentait une charge lourde pour un groupe d'hommes robustes. Ce verset indique à quel point Qaroun était riche. Un jour, il fit l'étalage de tout son faste. Et Allah nous dit que face à cet événement, les gens se sont divisés en deux catégories. La première catégorie, ceux qui désirent la vie d'ici-bas. Allah dit à leur sujet: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Il se présenta devant son peuple en étalant tout son faste. Ceux qui ne désiraient que la vie présente dirent: si seulement nous possédions des richesses semblables à celles de Qaroun, il détient vraiment une immense fortune. Lorsqu'ils virent la richesse de Qaroun, ils furent trompés par celle-ci et espérèrent posséder des richesses semblables. Leur vision des choses est limitée et ils accordent plus d'importance à la vie d'ici-bas qu'à l'au-delà. C'est pourquoi ils passent la majorité de leur temps à la convoiter et à se concurrencer pour l'obtenir. La deuxième catégorie, les gens qui ont reçu la science. Allah dit à leur sujet: وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Ceux qui étaient doués de science dirent: malheur à vous, la récompense d'Allah est bien meilleure pour celui qui croit et accomplit des œuvres pieuses, mais cela n'est accordé qu'à ceux qui patientent. L'éminent savant Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di a dit dans le tafsir de ce verset: ils patientent dans l'obéissance à Allah. Ils patientent et se retiennent face à la désobéissance et aux décrets douloureux. Ils patientent face aux séductions et aux désirs de ce bas monde, afin qu'ils ne les détournent pas de leur Seigneur et ne s'interposent pas entre eux et la raison pour laquelle Allah les a créés. Fin de citation. Ainsi, le croyant doit faire preuve d'endurance et ne doit pas être affecté par ceux qui possèdent de nombreuses richesses et qui convoitent cette vie d'ici-bas. Malheureusement, nous avons tendance à plus patienter face à certaines épreuves mondaines qu'au mal des gens. Prenons l'exemple de celui qui ouvre son entreprise. Il n'y a pas de doute que celui qui ouvre une entreprise commence souvent en bas de l'échelle et n'aura probablement aucun collaborateur au départ. Il devra faire face à de nombreux refus, mais il persistera souvent jusqu'à se faire un nom dans son secteur, ce qui prendra parfois plusieurs années. Tout cela dans quel but ? Pour obtenir de l'argent. Prenons également l'exemple des migrants qui quittent parfois des pays d'Afrique pour se rendre en Europe dans des conditions très difficiles. Ils traversent de nombreux pays, subissent la faim, le froid, le manque de confort et d'autres épreuves. Certains ont perdu des membres de leur famille lors de ce périple. Certains ont essayé de traverser la Méditerranée à plusieurs reprises pour rejoindre l'Europe, au péril de leur vie. Malgré tout cela, ils patientent, bien qu'ils ne soient pas récompensés pour ce qu'ils font. Ô serviteur d'Allah, qui commerce avec Allah et désire son agrément, comment se fait-il que les gens patientent autant pour cette vie éphémère? Une vie dont Allah subhanahu wa ta'ala dit « I'alamu annama al-hayatu al-dunya la'ibun wa lahun wa zina wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takafurun fil amwali wal awlad. » Sachez que la vie présente n'est qu'un jeu, un amusement, une vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Et toi, tu ne vas pas patienter face au mal des gens pour qu'Allah te récompense en bien et t'élève en degré. Cela nous rappelle l'histoire de l'imam Ahmed ibn Hanbal avec un homme nommé Abul Haytham Al-Ayyar, qui était l'un des plus grands voleurs de son époque. Il fut fouetté 18 000 fois à des moments différents pour avoir volé. À chaque fois qu'il volait, il se faisait appréhender. Lorsqu'on l'interrogea à ce sujet, il répondit qu'il cherchait la notoriété. Il rencontra l'imam Ahmed en prison. Lorsque ce dernier fut emprisonné, à l'époque où les gens de l'innovation prétendaient que le Coran est écrit, et cet homme, Abul Haytham Al-Ayyar, dit à l'imam Ahmed des paroles en or. Il lui dit « Oh Ahmed, je me suis fait fouetter un nombre incalculable de fois pour la vie d'ici-bas. Reste ferme pour la cause de la religion. » Allahu Akbar. L'imam Ahmad, rahmahullah, dit à propos de cette recommandation, « Personne ne m'a raffermi plus que la parole d'Abul Haytham Al-Ayyar. » Au point où il disait qu'Allah fasse miséricorde à Abul Haytham, qu'Allah lui pardonne et soit indulgent envers lui. Son fils Abdullah lui dit « Oh mon père, je t'entends faire l'éloge de cet homme, qui est-il ?» Et l'imam Ahmed lui raconta cette histoire. Il y a certes des leçons à tirer de cette histoire, pour ceux qui cherchent à profiter des exhortations. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, la dixième, sache qu'Allah est avec toi si tu patientes, et qu'il t'aime et est satisfait de toi si tu patientes. Celui avec qui Allah est, Allah le protégera contre tous les genres de maux et de nuisances, et ce mieux que quiconque parmi ses créatures. Allah dit, wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Soyez patients, car Allah est avec les patients. Et il dit aussi, wallahu yuhibbu sabirin. Allah aime les patients. Les savants nous disent qu'Allah est avec ses créatures de manière générale, ce qui signifie qu'il embrasse par son omniscience toutes ses créatures, qu'il connaît tous leurs actes, bons ou mauvais, et qu'il les rétribue en conséquence. Mais il est également avec ses serviteurs croyants de manière spécifique, ce qui implique qu'il leur accorde la victoire, le soutien et la protection. Et c'est de cette catégorie qu'il est question dans la parole de l'auteur, rahmahullah. Lorsque le serviteur patiente, Allah est avec lui et le soutient. S'il défend sa religion, Allah lui facilite l'expression des preuves et des arguments qu'il ne connaissait pas auparavant. Regardez l'histoire de Moussa alayhi salam et de son frère Haroun avec Pharaon. Allah dit à ce sujet, قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى. Moussa et Haroun dirent, Seigneur, nous craignons qu'il ne s'emporte contre nous ou qu'il ne transgresse à notre égard. Allah répondit, قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. Ne craignez rien, je suis avec vous. J'entends et je vois. Allez le trouver et dites-lui, nous sommes les messagers de ton Seigneur. Laisse partir avec nous les fils d'Israël et cesse de les châtier. Nous t'apportons une preuve de ton Seigneur, que la paix soit sur celui qui suit la guidée. Ensuite, Pharaon a mentionné certaines ambiguïtés pour refuser la vérité avec laquelle le prophète Moussa alayhi salam était venu, sans que Moussa alayhi salam ne réfute toutes ses ambiguïtés. Par exemple, Pharaon dit à Moussa alayhi salam, فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. Pharaon lui dit, ô Moussa, je pense que tu es ensorcelé. Pharaon lui dit, ô Moussa, je pense que tu es ensorcelé. Et Moussa lui répondit avec brio. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا أُولَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرِ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. Il lui répondit, tu sais bien que seul le Seigneur des cieux et de la terre a suscité ces miracles, comme autant de preuves claires, et je suis certain, ô Pharaon, que tu es voué à la perte. Toutes les preuves avec lesquelles Moussa alayhi salam a réfuté Pharaon étaient dues au fait qu'Allah était avec lui de façon particulière. Il en est de même pour le serviteur qui patiente et qui convoite la récompense d'Allah. Allah sera avec lui, de sorte qu'il le secourra, le protégera et lui accordera la réussite. Comme cela est rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, quiconque prend pour ennemi un de mes alliés, je lui déclare certes la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Puis si je l'aime, je suis alors son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il touche, son pied par lequel il marche. Et s'il me demande une chose, je la lui accorderai. S'il cherche refuge auprès de moi, je le protégerai. Naam. Ensuite, il dit, rahmahullah, la onzième, il faut prendre conscience que la patience est la moitié de la foi. Il ne faut donc pas altérer une partie de sa foi en cherchant à se rendre justice soi-même. S'il patiente, il aura alors préservé sa foi et Allah défend ceux qui croient. Cette information est tirée du hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani d'après Al-Qama ibn Qais. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, a dit « La patience est la moitié de la foi et la certitude est la foi entière. » Ensuite, il dit, rahimahullah, la douzième, « Celui qui patiente, maîtrise son âme, la domine et la vainc. Tant que son âme est maîtrisée, elle ne désire pas la servir, le capturer et le jeter dans ce qui pourrait le perdre. Mais s'il obéit à son âme, qu'il l'écoute et se laisse dominer par elle, elle ne cessera de le pousser vers la perdition, à moins qu'il ne soit touché par une miséricorde de son Seigneur. S'il n'y a dans la patience que le fait qu'elle maîtrise son âme et son démon, alors cela renforce l'autorité du cœur, dont les soldats sont affermis. Ainsi, il se fortifie, devient joyeux et refoule l'ennemi. L'imam Muslim rapporte, d'après Abu Malik al-Harif ibn Asim al-Ash'ari kallalagri, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout homme sort le matin pour faire commerce de son âme, il l'affranchit alors ou la fait périr. Ainsi, l'âme ordonne à l'homme le mal. De ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans Khutbatul Haja, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de notre âme. Il disait également sallallahu alayhi wa sallam, dans l'une de ses invocations du matin et du soir, je me mets sous ta protection contre les méfaits de mon âme. Cela nous indique que l'âme a des méfaits et qu'elle pousse le serviteur au mal et le pousse à la vanité, à l'arrogance et à d'autres comportements répréhensibles. Ensuite, il dit, rahmahullah, la treizième, celui qui patiente, Allah lui portera secours sans aucun doute, car Allah est le garant de celui qui patiente et laisse son cas à Allah, tandis que celui qui se venge, Allah le confie à lui-même, et il est alors celui qui doit se secourir lui-même. Où est celui qu'Allah secourt par rapport à celui qui doit se secourir lui-même, alors qu'il est le plus faible et le plus incapable des secoureurs? Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui secourt ses serviteurs, comme cela est indiqué clairement dans le Coran. Tous les prophètes ont patienté face aux épreuves et aux préjudices qu'ils ont subis. Et Allah leur a tous donné la victoire sur leurs opposants et leur a accordé une bonne fin. Et l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam contient de nombreuses leçons pour les gens doués de raison. Certains savants du tafsir ont mentionné que l'absence du prophète Youssouf alayhi salam a duré 40 ans. Il suffit de savoir qu'il a séjourné plusieurs années en prison. Allah dit à ce sujet, فَلَبِثَ فِي سِجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Youssouf resta quelques années encore en prison. Et le terme Bida désigne une période comprise entre 3 et 9 ans. Certains savants du tefsir sont d'avis qu'il est resté 7 ans de plus. Après sa sortie de prison, il est resté encore plusieurs années séparé de sa famille. Cependant, il a toujours fait preuve de bienfaisance et d'endurance. Ce comportement a finalement été une cause de repentance pour ses frères. Allah dit à ce sujet, « قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا » Par Allah, vraiment, Allah t'a préféré à nous. Cela signifie qu'Allah t'a préféré à nous par ton noble caractère et tes bonnes qualités, comme l'a mentionné l'éminent savant Cheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di. Ainsi, la patience face au mal des gens et la bienfaisance sont des causes majeures de la réforme des gens. Ensuite, il dit, rahmahullah, la 14e, la patience envers celui qui te cause du tort et ton endurance envers lui amène obligatoirement celui qui t'a causé du tort à regretter, à s'excuser et à se blâmer. Il reviendra alors, après t'avoir fait du mal, en éprouvant de la honte et en regrettant ce qu'il a fait. Mais en plus, il deviendra l'un de tes alliés. C'est le sens de la parole d'Allah. « Idfa' billati hiya ahsan, fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun hamim, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulaqaha illa dhu hadhin azim. » Réponds au mal de la meilleure façon. Et tu verras celui qui te témoignait de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Mais cette qualité n'est donnée qu'à ceux qui endurent, et elle n'est donnée qu'à ceux qui ont une immense part. Comme mentionné précédemment, lorsque quelqu'un te cause du tort, deux bonnes actions se présentent à toi. Le pardon et la bienfaisance. Si tu pardonnes, tu as accompli le minimum. Si tu ajoutes la bienfaisance, tu accomplis ce qui est le plus complet. Cependant, il y a un comportement à éviter. Si tu es bienfaisant envers celui qui t'a fait du tort en lui offrant quelque chose, ne lui offre pas quelque chose en lien avec le tort qu'il t'a fait. Par exemple, si quelqu'un a menti sur toi, ne lui envoie pas un livre sur la dangerosité du mensonge. Offre-lui plutôt quelque chose qui n'a aucun lien avec le préjudice causé. Ensuite, il dit, rahmahullah, la 15e, il se peut que ta vengeance et ton opposition à lui soient la cause d'une augmentation du mal de ton antagoniste et qu'elle fortifie son ego. Cela pourrait lui donner plus de force pour te causer d'autres torts. Tandis que si tu patientes et pardonnes, tu seras préservé de ce mal. Celui qui est doué de raison ne choisit jamais la plus grave. Celui qui est doué de raison ne choisit jamais le plus grave des deux maux pour repousser le moindre. Combien de maux ont été causés par la vengeance et l'opposition que celui qui se venge n'est pas capable de repousser? Et combien de vies, de présidence et de biens ont été perdus, alors que si celui qui avait subi l'injustice avait pardonné, il serait resté pour lui. Subhanallah. Subhanallah, quelle magnifique parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il nous dit que celui qui se venge sera touché par de nombreux maux, parmi lesquels le fait de fortifier son ego et de donner à son âme ce qu'elle demande. De nombreux maux découlent de la vengeance. En revanche, beaucoup de bien découlent du pardon, même si cela peut être difficile, car celui qui pardonne et réforme ne donne pas à son âme ce qu'elle désire. Cela demande de la force et de la persévérance. Parmi les règles de notre législation, il est dit que lorsqu'il y a deux méfaits, il faut choisir le moindre des deux. Ainsi, celui qui est doué de raison et qui recherche l'agrément de son Seigneur patientera face au mal des gens et ne se vengera pas pour fortifier son ego. Ensuite, il dit, rahmahullah, la 16e, celui qui a l'habitude de se venger et ne patiente pas se doit de tomber dans la justice, car l'âme ne se contente pas de prendre sa portion de justice obligatoire, ni en science, ni en volonté, et il se peut qu'elle soit incapable de se limiter à son droit. En effet, la colère fait sortir celui qui est en état de colère de son état normal vers un état où il ne sait plus ce qu'il dit ni ce qu'il fait, alors qu'il était celui qui subissait une injustice et qui attendait la victoire et la puissance. Il devient celui qui est injuste et qui attend la réprobation et le châtiment. L'auteur nous mentionne ici une réalité que beaucoup ignorent. Celui qui subit un tort est opprimé. Et d'un point de vue de la législation, il est dans une position favorable. Car Allah a promis de le secourir. D'après Khuzaima ibn Thabit, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez l'invocation de celui qui subit une injustice, car elle est certes portée au-dessus des nuages, et Allah dit: par ma puissance et ma majesté, je vais certes te secourir d'ici peu. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tabarani et a été authentifié par Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il n'y a également pas de voile entre l'opprimé et Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est confirmé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal: redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre lui et Allah. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. En revanche, s'il se venge et dépasse les limites, c'est lui qui devient injuste. Et de ce fait, il se met dans une position inconfortable, car il s'expose à un châtiment douloureux dans l'au-delà. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'injustice est ténèbre le jour de la résurrection. Et le hadith a été rapporté par al-Bukhari et Muslim. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, la 17e, cette injustice qu'il a subie est pour lui une purification de ses péchés ou une élévation de son degré. S'il se venge et ne patiente pas, cela ne sera ni une purification de ses péchés, ni une élévation de son degré. En effet, s'il ne patiente pas face à l'injustice, il sera privé d'une grande récompense. Comme mentionné précédemment, les gens sont ambitieux dans leurs affaires mondaines et n'aiment pas manquer les bonnes occasions. Le musulman qui recherche l'agrément d'Allah, Azza wa Jal, et la sécurité dans l'au-delà doit saisir les bonnes occasions qui se présentent à lui pour se rapprocher de son Seigneur. Il doit donc patienter face au mal qu'on lui cause pour Allah. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur une erreur fréquente dans les relations. Et nous allons donner l'exemple de certaines épouses. Parfois, l'épouse patiente sur le tort que son époux lui a causé, mais elle le lui rappelle sans cesse. Elle lui dira souvent: quand tu as fait telle chose, j'ai patienté sur toi. Lorsque tu as fait telle chose, je ne t'en ai pas tenu rigueur. et d'autres paroles similaires. Et ce comportement est mauvais pour plusieurs raisons. Premièrement, le pardon et l'indulgence sont des actions aimées d'Allah Azzawajal. Et il ne convient pas de rappeler constamment ses bonnes actions, surtout lorsqu'il n'y a aucun intérêt à les mentionner. Deuxièmement, nous ne savons pas si cette bonne action sera acceptée. Combien de personnes rappellent leurs bonnes actions alors que celles-ci sont entachées par l'ostentation ou d'autres défauts? Le musulman qui fait le bien doit le voir et le considérer comme insignifiant, même s'il a fourni beaucoup d'efforts pour l'accomplir. Troisièmement, cela peut susciter un sentiment de supériorité. Celui qui dira à une autre personne « Tu as fait telle chose et je t'ai pardonné » se sentira souvent supérieur à celui qui lui a causé du tort, ce qui peut mener à des choses très dangereuses. De ce fait, le musulman doit s'écarter de ce genre de paroles. Et les savants nous enseignent une méthodologie très importante à ce sujet. Ils disent que le serviteur doit minimiser le bien qu'il fait. Il doit considérer qu'il n'a rien fait de bien. Car premièrement, c'est Allah qui lui a facilité ce bien. Et deuxièmement, il ne sait pas si ce bien sera accepté par Allah. Par contre, il doit immensifier le bien qui vient des autres. Par exemple, s'il reçoit un cadeau, il doit se réjouir et considérer ce geste comme immense. Par contre, s'il offre quelque chose à quelqu'un, c'est comme s'il n'avait rien fait. Cette méthodologie a pour but d'éduquer l'âme à l'humilité. Quant au fait de rappeler à un proche qu'on a patienté sur lui, qu'on lui a pardonné et autres, cela peut mener à de nombreux maux. En revanche, s'il y a un intérêt à mentionner cela, alors il n'y a pas de mal, inshallah. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, la 18e, son pardon et sa patience font partie des armes les plus importantes contre son antagoniste. S'il patiente et pardonne, son pardon et sa patience impliquent l'humiliation de son ennemi, sa peur et sa crainte de lui et des autres. En effet, les gens ne se tairont pas sur son antagoniste, même si lui se tait, tandis que tout cela disparaît s'il se venge. C'est pour cela que tu vois que beaucoup de gens, lorsqu'ils insultent quelqu'un ou lui font du mal, veulent être réprimandés. Lorsque la personne réplique, ils s'apaisent, car ils sont libérés d'un poids qu'ils ressentaient. Subhanallah. Allahu Akbar. Lorsque le serviteur patiente et ne rend pas le mal par le mal, cela est une humiliation pour son ennemi. De plus, il recevra le soutien des anges. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, un homme a insulté Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était assis. Le prophète s'est alors étonné et a souri. Lorsque l'homme a abusé, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, lui a répondu à certaines de ses paroles. Et alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est énervé et s'est levé. Abu Bakr l'a rattrapé et lui a dit, « Ô messager d'Allah, il m'insultait alors que tu étais assis. Et lorsque j'ai répliqué à certaines de ses paroles, tu t'es énervé et tu t'es levé. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y avait avec toi un ange qui est répliqué pour toi. Et lorsque tu lui as répondu à certaines de ses paroles, alors le diable est venu et il ne convient pas que je m'assoie avec le diable. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, la 19e, si tu pardonnes à ton antagoniste, son âme se sentira inférieure et il ne se cessera de se sentir inférieur à toi. Cela suffira à rendre le pardon plus noble et plus honorable. Ce comportement sera également plus propice à sa réforme. En revanche, si tu réponds à ton antagoniste, le diable se mettra entre vous et fera tout pour vous pousser vers le mal. Parmi les bons comportements à adopter lorsque quelqu'un t'insulte, il y a le fait d'invoquer en sa faveur. Ce comportement est bien connu de nos savants. Un jour, on insulta l'éminent savant, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, en sa présence. Il ne répondit pas, mais répéta plusieurs fois qu'Allah lui pardonne. Cheikh ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, était un exemple de bon comportement. Un jour, alors que le Cheikh travaillait comme juge, une personne l'insulta copieusement. Le Cheikh ne répondit pas aux insultes, comme à son habitude. Plus tard, le Cheikh apprit le décès de cette personne. Il appela l'un des responsables du tribunal et lui dit: pourquoi ne m'avez-vous pas informé de son décès? Le responsable lui répondit: ô Cheikh, n'as-tu pas vu comment il t'a insulté et dénigré? Le Cheikh lui répondit: indique-moi sa tombe. Et le Cheikh effectua la prière mortuaire sur cet homme, puis rendit visite à sa famille pour leur présenter ses condoléances. Un autre comportement bénéfique, lorsque quelqu'un te fait du tort, est d'être gentil avec lui et de détendre l'atmosphère. Un jour, un homme cria sur Cheikh ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, en lui disant: écris au roi pour qu'il m'aide, car j'ai 50 ans et je suis toujours célibataire. Le Cheikh lui répondit: naf'al inshallah. Nous allons le faire, inshallah. L'homme continua à crier sur le Cheikh. Et le Cheikh continua de patienter sur lui. Jusqu'à ce que les élèves du Cheikh ressentent une gêne et soient sur le point d'éloigner cet homme du Cheikh. Cheikh ibn Baz, rahimahullah, prononça alors les paroles suivantes pour détendre l'atmosphère. Il lui dit: ô mon frère, j'espère qu'Allah te permettra d'atteindre l'âge de 90 ans et qu'il te facilitera le mariage. C'est-à-dire qu'Allah te donne une longue vie et te facilite le mariage. L'homme se calma immédiatement, se mit à rire et demanda la permission de partir. Le Cheikh lui dit: reste déjeuner avec nous. L'homme répondit: non, je ne peux pas. Le Cheikh réitéra sa demande, mais l'homme continua de refuser. Après plusieurs tentatives, le Cheikh l'autorisa à partir. L'homme embrassa la tête du Cheikh, puis s'en alla. Et cela nous rappelle le verset de Sourate Al-Furqan concernant les caractéristiques des serviteurs du miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants leur adressent des paroles mauvaises, ne leur répondent que par de bonnes paroles. Voici quelques comportements de nos savants. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, la 20e, si tu pardonnes et renonces à la vengeance, cela sera pour toi une bonne action qui engendrera une autre, et ainsi de suite. Tes bonnes actions ne cesseront d'augmenter, car la récompense d'une bonne action est une autre bonne action. En revanche, la punition d'une mauvaise action et qu'elle engendre une autre, cela pourra être la cause de ton salut et de ton bonheur éternel. Tandis que si tu te venges, cela disparaîtra. Le deuxième fondement est le remerciement qui consiste à pratiquer l'obéissance à Allah. En effet, la bonne action engendre une autre bonne action. D'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, la véracité mène à la piété, et la piété mène au paradis. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, le fait de patienter face au mal qu'on t'a causé et de pardonner sera une cause pour qu'Allah te facilite d'autres œuvres pieuses. En revanche, si tu te venges et dépasses les limites, cela te mènera à d'autres mauvaises actions. Wallahu musta'an wa alayhi tuklan. Et donc sur ces mots, nous avons terminé l'explication de cette épître magnifique de l'éminent savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, un épître concis mais qui est rempli d'enseignements bénéfiques. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique de ce que nous avons étudié lors de cette étude. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.